Aïe, attendre. J'ai pas de son. Attendre. Buy me. Ah. David, Mazei, il est parti. David? Oh, David. On fait comme si. Fait calo 80-32. 80-32. Batterie là? Ah ouais, il y a une batterie. On fait comme si salut. Le printemps s'en va, j'aurais promis le monde.

notre serveur. Phil, Doug. Phil le chien. Du 9-3. Oh, 9-3. Comment ça va, le 9-3? Alors, qui c'est qui veut changer? Juste un peu. Vas-y, accélère. Choisis ton tempo. Phil. Non, drummer. Drummer. Tu choisis ton tempo. Et j'entends personne. Hein. Tu joues? J'entends personne. J'entends personne. J'ai pas de son. Y a personne qui joue ?